Bonjour. Je ne sais pas s'il y a du son direct, 30 septembre 2023. Donc, possiblement le dernier direct de l'année. Donc, on va. Je devrais pas avoir visite. J'ai barré la porte. Donc, on va attendre les gens. Hey, bonjour Sabrina. Le son là doit être correct. Bonjour Manon. Stéphanie, bonjour à vous. Donc, est-ce qu'il y a des choses? Je m'excuse s'il y a un peu de bruit là. Bonjour Philippe Bolduc. Hilal, bonjour à vous. Martin, bonjour. Stéphanie, peut-on parler de parentalité? Je suis un peu mal placé pour en parler. Hein? Annie, bonjour à vous. Monsieur Saint-André, bon matin. Sébastien, bon matin. Hein, bonjour. Boyard, bon, je vois souvent. Hein, Robert Robertine, bon matin. Vous êtes bien? Soigné? Beau. Non, ben, je viens de me doucher. Je me suis levé assez tard aujourd'hui. Bonjour Anaïs, Valérie. La parentalité. C'est très large, dans le sens que ce que c'est en train de devenir, il y a des gens, on pourrait appeler ça des ingénieurs sociaux, qui ont décidé de changer les notions. Ça fait un bout de temps, ça doit faire. Au moins depuis la fin des années 60 que c'est commencé. Mais bon, et bonjour, monsieur Leroy. Donc, la parentalité, ça dépend sur quelle angle on le prend. L'affaire, c'est que, bon, c'est la famille, qu'on pourrait dire nucléaire, traditionnelle qui est visée, idéologiquement, premièrement. Donc, c'est de la déconstruction. On peut voir ça comme ça. Hein? J'en entends peu parler d'être parent. Et le divin. Le divin. Hein? Je veux dire, juste être des parents sains. Je parle au sens de sanité, ça déjoue beaucoup. Donc, le divin. Est-ce qu'on a besoin d'y penser pour que ce soit manifeste, là, ce qui vaut de là, de ça? Je sais pas. Mais donc, bon, j'avais vu des choses dernièrement par rapport à ça. Divin ou machin, truc. Ben, divin. Divin, c'est relatif ce qu'on appelait le très haut, c'est-à-dire de l'intelligence, mais très, très. Très, très au-delà des formes comme on les connaît. Ce qui est lumineux, ce qui est lumineux au niveau de la famille, c'est déjà présent, je veux dire. En tout cas, bonjour, maman présent. Je vois beaucoup de parents immatures, irresponsables, incapables de donner des valeurs saines à leurs enfants. Les valeurs saines, c'est surtout par l'exemple qu'ils se transmettent. Il y en a beaucoup, quand ils arrivent à un âge où ils se rebellent contre leurs parents, ils vont se rebeller contre des valeurs, mais pourtant, plus tard, ça revient en force. Les gens sont pas en rébellion toute leur vie. Puis des fois, sans s'en rendre compte, on transmet des valeurs, puis on s'en fait transmettre. C'est bien, bien subtil. Donc, bon. Les valeurs saines, ça dépend de quoi on parle. C'est tout du cas par cas. Mais il y a beaucoup de gens que, bon, ils se sont fait transmettre des valeurs, mais ils s'en rendent compte juste vers 45-50 ans. Là, tout d'un coup, ils s'en rendent compte. Des fois, il faut que les parents meurent pour que les enfants se rendent compte qu'ils se sont fait transmettre des valeurs. Peut-être malgré eux, mais c'est du cas par cas. De toute façon, c'est quoi les valeurs? Est-ce qu'on va se battre, je veux dire, La société, ouais, est en transformation. Peut-être qu'il en mette plus qu'il en faudrait. Mais il va y avoir un tri à un moment donné par rapport à ces transformations-là. Ouais, il y a des choses qui n'ont pas de bon sens, mais c'est le passage du temps. L'épreuve du temps qui va faire. Hein, il ne va pas tout rester, là. Leur apprendre le respect de l'autre, c'est déjà pas mal. Ben, si vous avez du respect pour vos enfants, je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres façons de transmettre ça? Je sais pas des affaires, c'est pas comme un cours théorique, là. En tant que parent d'un jeune enfant, impression que ça donne de l'enfermement dans la matière, des programmes. Ouais. Ben, je sais pas, au niveau de la parentalité, pas des notions de même. Comment ça se fait qu'il y a des parents qui sont pas au courant de rien de ça, puis qui s'occupent pas de ça, puis c'est des bons parents quand même, là. Donc, hein, ils sont très individuels. Pensent qu'à consommer, ils se soucient, pensent qu'à consommer, ils se soucient peu d'autrui. Ben, peut-être que vous êtes sévère un peu. C'est difficile, là. Je dirais. Prenez des jeunes gens, vraiment jeunes. Bon, on dirait que, mais ils en ont des soucis pour autrui. Je veux dire, ils ont des amis, ils en ont des soucis eux-mêmes. Je suis pas sûr, moi, que les jeunes ils soucient pas tant que ça d'autrui. C'est juste, ça a l'air des fois comme ça. Ça doit, moi, qui n'ai pas assez avancé. Dans son chemin vers soi. Comment ça, le chemin vers soi? Vous séparer de vous-même? C'est assez spécial, ça. Bonjour, Hélène. Avancer dans le chemin vers soi. Comment ça? Vous êtes éloigné de vous-même? Je sais plus comment dire, OK. Parce que là, le chemin vers soi. Ça fait penser. Moi, mais le supramental, c'est pour. Comment je pourrais dire ça? Élever des enfants, c'est plus simple que ça. Il y en a des bons parents, ils n'ont pas de notion de ça. Ils n'ont pas de notion de ça. Puis je vais être franc avec vous, je serais pas mal. Je serais pas surpris qu'il y ait plein de monde dans ce milieu-là qui ont des notions de supramental, puis c'est des parents tout croche. Hein? Donc ça, est-ce que ça a à voir tant que ça, là? Bonjour, Monsieur Bertrand. Donc, bon, moi, les gens que j'ai connus qui étaient réellement des bons parents, ils s'occupaient pas de choses comme ça, là. Puis cheminaient pas vers eux-mêmes. C'était du monde plus simple que ça. La vidéo Ma vie, c'est un bon rappel, très intéressant. Ah, ça bug, bon, désolé. Moi, c'est possible que ça bug. Bon, faudrait que je la réécoute. Ben, franchement, là, je ne me souviens pas de tout. Ouais, ma vie, surtout la façon dont les gens parlent. Mais, ben, franchement, il y en a du monde qui n'ont aucune notion de ces choses-là dont on parle. Puis pourtant, ils vont pas dire ma vie. Hein? Pas de bug de mon côté. OK. Bon, ben, peut-être que c'était des bugs, peut-être d'autres choses, je ne sais pas. Donc, ouais, l'affaire de supramental, c'est pas ça qui va. Je veux dire, il y a toujours eu des bons parents. Il y a toujours eu des bons parents. On est encore là, dans le sens donc nos aïeux ont su. Donc, qu'est-ce que. C'est pas c'est pas un ensemble de solutions à tout, là. Le supramental, au contraire, c'est un à côté. Je le vois comme ça, là. Parce que là, si on en fait le centre de tout, ça veut dire qu'on change de religion, là. Dans le sens comme dans le temps, qu'il y avait le choix plan famille, puis les bénédictions, puis au jour de l'an, puis bon. Mais ouais, mais vous parlez, qu'est-ce qui vous fait prendre la parole? C'est pourquoi je parle, entre autres, parce que c'est un exercice. J'ai pas la même, comment je pourrais dire ça? J'exerce pas ma parole de la même façon, là, depuis. Comme les années d'avant. Donc, c'est un exercice. Difficile de texter tout ça. Moi, ouais. Bonjour Sophie. Bon matin. Moi. Bon, ok. Mais merci quand même. Moi, ben, ça dépend. Je veux dire, c'est comme vous me disiez, je sais pas si vous, là, bon, j'en ai perdu. Vous me disiez, comme les enfants ne se soucient pas des autres. Ouais, mais je veux dire, il y a des phases dans la vie où on n'a pas encore développé ça. C'est des phases normales, là. Mais c'est sûr qu'ils se soucient de leurs amis, qu'ils se soucient même peut-être de leurs proches, puis les gens ne les en rendent pas compte. L'enfant totalement inconscient, je crois pas, là. J'y crois plus ou moins. Je sais que ça existe, là. Je pense que l'écoute véritable de l'enfant est déjà un gros point. Beaucoup se sentent pas écoutés, et voilà. Bon. Ben, dans le fond, vous êtes pas là pour comprendre votre enfant puis l'écouter nécessairement, c'est pas juste ça. Mais il faut qu'il y ait une présence, puis il faut que ce soit rassurant. Entre autres, c'est comme si vous avez un chat. Vous allez bien vous entendre avec lui si votre présence est rassurante. C'est pas compliqué dans le fond. Puis là, c'est là, il va, une fois qu'il est rassuré, puis une fois qu'il est bien avec vous, c'est là qu'on dirait qu'il ne nous respecte pas. C'est-à-dire, comme vous n'êtes pas dangereux, puis il vous fait confiance, il va se coucher dos à vous, des fois, il va se coucher avec le derrière dans votre face. C'est pas un manque de respect. Des fois, un enfant, il est très à l'aise avec ses parents, puis on va le prendre pour un manque de respect. C'est pas nécessairement le cas, c'est parce que justement, il est dans un milieu. Ouais. Donc, alors parler, c'est un exercice ou un travail. Pourquoi ce serait un travail? Dans le sens que, ouais, on travaille quelque chose pareil. Je veux dire, si vous sortez faire la course à pied, vous allez travailler vos mollets, là. Hein? Dans le fond, il y a bien des choses que j'aurais jamais vues, que j'aurais jamais observées si j'avais pas parlé. C'est entre autres à ça que ça sert. Puis, qu'est-ce que je disais donc? Qu'est-ce que je disais? Ben oui, mais votre enfant, si il se rebelle, c'est d'une certaine façon, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a la marge, puis il y a le. Ça veut dire qu'il y a la marge, puis il y a la possibilité de le faire. Un enfant qui se rebelle pas, c'est inquiétant. Très, très inquiétant. Quand il arrive certains âges, là, ça veut dire qu'il n'est même pas assez dans un milieu assez. Il n'ose même pas. C'est une question de survie, il ne peut pas. Ça veut dire que si votre enfant ne se rebelle jamais, ça veut dire qu'il va être jusqu'à un certain point, il va être castré toute sa vie, dans le sens qu'il va rester un enfant. Ça fait des petits fonctionnaires parfaits, ça fait même. Est-ce que c'est souhaitable? Vous êtes aussi bien d'avoir un enfant qui va avoir 14-15 ans, qui vous envoie promener, puis qu'il y a des éclats de voix, puis qu'il arrive des problèmes, qu'un enfant parfait. Parce que un enfant parfait, c'est pas bon signe, ça. C'est vraiment pas bon signe. Ça fait des petits fonctionnaires. En tout cas, hein? Je sais les concepts du parent suffisamment bons. Mais ça doit être moi qui ai heurté par plusieurs choses et que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de spécial. Avoir un être vulnérable. Moi. Ouais. Mais c'est normal, comment je pourrais dire ça? Il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte qu'on ne se rend pas compte. Comme par exemple, votre enfant est la clé de votre propre survie jusqu'à un certain point. Parce qu'il porte vos gènes. C'est une forme de survie. Donc, il y a un paquet de choses qui entrent en ligne de compte, des forces qui sont pas nécessairement conscientes. Pourquoi le grand-parent il est content quand il voit ses petits-enfants, quand il est content d'avoir des arrière-petits-enfants, puis ça le rend heureux? C'est parce qu'il y a quelque chose de sa survie de là-dedans, là. C'est lui, d'une certaine façon, c'est ses gènes. Hein? On est bien d'accord, le verbe est créateur. Bon, oui. Hein? Hein, bon matin, Monsieur Saint-Michel. Ou de Saint-Michel. Ah, vous êtes à peut-être un endroit comme ça. Bonjour. Bon matin, Stéphane. Bon matin, Sonic. C'est moi et la qualité de mon être que je questionne. Et oui, c'est comme être plongé dans plein de programmation, moi. C'est parce que là, si vous questionnez la qualité, votre être, ça veut dire, il y a des comparatifs, ça veut dire, si vous, dès que vous doutez de vous-même, vous perdez un peu de... Comment je pourrais dire ça? Quand vous doutez de certaines affaires, vous perdez des facultés. Dans le sens que, moi, avoir une certaine confiance peut amener beaucoup. C'est sûr, il ne faut pas que... C'est une affaire de discernement. Hein? Bonjour, Borrelia. Sonic, beaucoup aimé ton dernier partageur. Ben, de rien. Passage fictif, furtif, OK. Bonjour, Denis Solange, Richard Jordan. Pouvez-vous nous parler de l'état vis, le prana des hindous? Bon, ben l'état, c'est pour... prenez le prana. Le prana, c'est en partie magnétique. C'est pour ça qu'il y a un prana lunaire, un prana solaire. Donc, c'est plus dense. Ce qui parle aux autres, c'est un petit peu plus dense. Parce que, comme qu'est-ce qui rend possible certaines mémoires, comme au niveau de la psychométrie par rapport à la Terre. Entre autres, il y a le champ électromagnétique de la Terre. Qu'est-ce qui rend possible qu'on peut enregistrer de l'information dedans? Entre autres, il y a l'éther de la Terre. L'éther, par ses lois magnétiques, elle retient la Terre elle-même, avoir son éther. Elle retient de l'éther comme elle retient de l'eau, entre autres. Donc, bon, le prana, c'est quoi? Au fond, c'est des aspects de ça. C'est des aspects de ça, pareil. Le problème avec ces notions-là, c'est que c'est jamais devenu une vraie science empirique. On peut pas... bon. Puis là, le problème avec des choses comme ça, c'est que dès qu'on tombe dans du plus subtil, des choses plus subtiles, ouais, on peut étudier... entre autres déductions par les statistiques, par toutes sortes de trucs. On peut étudier des choses très, très subtiles. Mais il reste que c'est difficile à concevoir des choses qu'on peut pas peser, mais dont on peut voir les effets. Hein? Mais bon, ça dépend, là. Je suis un peu mêlé. En lien avec la connexion, avec la véritable connaissance. Ça n'existe pas à mes yeux, la véritable connaissance. Mais ça dépend, là. Ah, pas grave. Bon, ben, regardez, si vous vous cassez la tête trop, là, vous allez... On réfléchit plus qu'on observe. Dans le fond, votre enfant, peut-être qu'il ne s'en est pas vu. Possiblement. Ou peut-être que la relation au niveau de la persona, c'est-à-dire l'image que vous avez de votre enfant dans votre tête, si vous êtes plus en relation avec ça qu'avec... ça dépend, là. Hein? L'enfant reste un morceau de ses parents jusqu'à la puberté où il acquiert sa personnalité. Ça, il porte quand même vos gènes. Donc, même là, j'ai quasiment envie de dire, c'est le parent qui est un morceau de sa descendance. Mais, faut s'en tenir à ce qui est de cette façon, le doute ne s'installe pas. Un maître qui pilote la conscience. C'est la conscience qui est censée être pilote. Ça dépend, là. Je suis grippé depuis 4 jours et ce matin, mon questionnement essentiel est son max. J'aime pas cet état. Moi. Ouais. Mais il reste que la maladie, c'est pas nécessairement mauvais. Je veux dire, surtout comme il est grippé, c'est pas nécessairement mauvais, là. Il y a beaucoup de gens que pendant qu'ils sont grippés, ils perdent des graisses que ça leur fait pas de tort. Mais ça dépend, là. Mais il y a un processus dans la maladie qui est lié à la santé. Si vous êtes malade, ça veut dire que votre corps, ça dépend, là, c'est du cas par cas, ça dépend de la maladie. Mais si vous êtes malade, ça veut dire que votre corps est en train de c'est lié à sa santé, justement. Il est en train d'agir pour une question de... Mais c'est sûr, pour les tous, parce que c'est de l'inconfort, hein. Mais ça m'est arrivé d'être grippé, puis j'aimais ça. C'est-à-dire, ça m'est arrivé d'être grippé, puis c'était pas si déplaisant. Là, j'aurais de la misère à expliquer le phénomène. Ça fait longtemps que je vous écoute, et BDM et d'autres, il est difficile de cheminer vers un réel contact avec soi, à la source supra. Ben oui, mais je comprends pas pourquoi vous voulez cheminer, tout est là, là. C'est pour ça, là, vous, votre idée de cheminement, ça vous coupe peut-être. C'est parce qu'on dirait que vous le pensez, vous le réfléchissez, c'est beaucoup dans votre réflectif. Ben, j'ai de la misère à comprendre ce que, dans le fond, il est question de stimuler les choses que vous avez déjà. Vous vous rendez compte que vous les avez, que c'est là. Quel cheminement vous voulez faire? Je veux dire, comme un cheminement, comme dans une formation, la formation personnelle, le développement personnel, c'est le contraire. Je tremble très fort de le voir. C'est ça, là. Comment je pourrais dire ça? On dirait, c'est comme une attitude très volontaire. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faudrait lâcher un peu, dans le sens de lâcher prise. Puis, pas trop donner de valeur à tout ça. Je parle psychologiquement, là. Et différence entre corps vital et corps éthérique. Ah. Votre corps vital, il est entre autres par rapport à votre cellulaire. Hein? C'est-à-dire que, tandis que le corps, là, l'éthérique, là, ça commence à être la fin de l'information. Dans le sens que, il peut vous manquer un morceau de corps vital, puis le corps éthérique va être complet pareil. Ça fait partie des différences. Ça fait partie des différences. Moi, je sais, ben, c'est ça dans le fond, moi, je suis sûr que vous le savez. Dans le fond, ça revient tout le temps à ça. Ce que vous savez, vous le savez. Je veux dire, si on se met à s'imaginer qu'on ne sait pas, mais dans le fond, on sait tout le temps. Je veux dire, dans le sens que, ben, ça ne fait pas notre affaire. C'est ça qui est important, ce qui ne fait pas notre affaire. Parfois, c'est l'ego qui pilote, bien sûr, la conscience pilote, mais lui... arrive d'être subjugué par l'ego. Votre conscience, elle a besoin d'un siège, dans le sens que pas d'ego, pas de conscience au sens où on l'entend, au sens où on l'entend, l'ego qui individualise l'intelligence, pas de conscience sans ego. L'affaire, c'est quoi qui... votre ego, c'est quoi qui vous mène? C'est-tu de la pollution dans votre ego ou si c'est une conscience? C'est ça, là. Mais bon, célébreras-tu le nouvel an? Ouais, j'ai pas le choix, ben. J'ai de la famille qui va être là. Ben, pour être bien frère avec vous autres, je m'en passerai bien. Effectivement, la maladie nous plonge intérieurement dans le silence, nous permet de prendre soin de nous, faire des bilans. Sauf que moi, je vais trop loin dans les questionnements. Ben, peut-être. Dans le sens que si vous mobilisez beaucoup d'énergie au niveau de votre psychologique et de votre mental, c'est de l'énergie de moins pour guérir plus vite. Donc, bon, réfléchir à sa maladie, ça revient à réfléchir à l'expérimental. D'un coup, ça la rallonge, là. Ah. En 2024, comment voyez-vous cette année au Canada? Je ne le vois pas encore vraiment. Je pense que... Ben, vous savez, moi, quand on me demande des prédictions, comment ça va être, puis tout ce que je vois, c'est des... les premières choses qui me viennent en tête, c'est « Ah, est-ce que l'or va monter? » C'est des choses pas intéressantes, moi, qui me viennent en tête. Mais c'est ces choses-là que je pense. Dans le sens que, bon, moi, à mes yeux, l'événementiel d'une année, c'est surtout lié à des fluctuations de valeur. Donc, Ça pourrait être un peu plate, là. La maladie, surtout grave, nous impose une ascèse imposée non voulue. Ça, c'est intéressant. Parce que un ascétisme involontaire, est-ce que c'est de l'ascétisme? Savez, j'ai jamais entendu parler beaucoup. Par exemple, à un moment donné, j'avais jasé avec une espèce de punk. Puis par après, moi, j'ai jamais vu d'autres monde parler de ça comme un ascétisme, mais c'en est un. Je me suis rendu compte que c'est de l'ascétisme. Dans le sens que il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations difficiles volontairement. Ben, volontairement, des fois, c'est un choix, c'est pas conscient, conscient. Il y a un choix psychologique pareil, là. Il y a libre arbitre psychologique qui décide volontairement de. La personnalité décide volontairement que. Puis c'est de l'ascétisme au fond. Comme là, on parle beaucoup de l'itinérance, ben, il va tout le temps avoir un pourcentage des itinérants qui c'est des ascètes au fond. C'est-à-dire que ils pratiquent un ascétisme. Puis souvent, ça va être lié à leur conviction. C'est dans le sens que c'est un vrai ascétisme, comme il y a des mystiques qui sont ascètes, ou souvent, il va y avoir un rejet de des valeurs sociales. Il y en a qui sont en révolte contre leurs parents quand ils construisent leur personnalité. Il y a du monde, ils vont être en révolte toute leur vie contre un système avec lequel ils sont en désaccord au niveau des valeurs. Puis c'est de l'ascétisme, ça revient de l'ascétisme. Comme les punks à chiens, c'est de l'ascétisme au fond. Puis ils ont même une spiritualité, puis ils ont quelque chose de mystique. Des fois, pas des mystiques genre comme Sainte-Thérèse d'Avila, mais c'est quelque part, c'est des mystiques pareils. Puis c'est des ascètes aussi. Il y a quelque chose de ça. Donc, mais c'est drôle, hein? On ne l'a jamais envisagé sous ces aspects-là. On ne l'a jamais envisagé sous ces aspects-là. Ben. Pourtant, de plus en plus, j'ai l'impression que l'observation de la conscience d'un point de vue tridimensionnel sur une ligne temporelle linéaire ne sert qu'à matérialiser un événement. Attendez, là, ça dépend, là. J'ai l'impression que l'observation de la conscience d'un point de vue tridimensionnel sur une ligne temporelle linéaire ne sert qu'à matérialiser un événement. J'ai de la misère un peu à voir ce que vous voulez dire. Parce que techniquement, l'observation de la conscience d'un point de vue tridimensionnel sur une ligne temporelle, habituellement, ça va être lié à de l'événementiel en temps réel, qui se matérialise de toute façon. Votre observation ne va pas rendre plus dense l'événementiel. J'ai vu en Inde des vieillards tout quitter pour une ascèse se sont suicidés. Parfait, SDF, moi. Mais il y a ça dans des cultures anciennes. Prenez des cultures où les conditions de vie sont très, très difficiles. L'aîné, à la fin de sa vie, souvent va quitter sa famille pour pas être un fardeau. Que penses-tu de toutes ces morts subites? Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On savait que ce serait ça. Ben, pas grand-chose. Je veux dire, c'est pas des choses qu'on n'avait pas parlé avant que ça arrive, mettons. C'est un peu comme ce qui se passe en Ukraine. Dès le début. Dès le début. On en a parlé de ce que ça allait faire. Parce que c'est bon. Je veux dire, ouais, c'est sûr que les morts subites, je veux dire, j'en ai beaucoup autour de moi. Mais c'était pas subi, subi, mais j'en ai vu. Dans le sens, j'ai des proches qui sont morts. Je savais que. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que j'en pense? Ça me donne rien à en penser, quoi que ce soit. Je le constate. Mais, au fond, là. Au fond. Il y en a pour qui c'est plus important sauver les hommes que sauver les vies. Comme ça allait pas ensemble. Puis, sont trop occupés à dénoncer des affaires qui ont pas rapport avec. En tout cas, oui, Philippe, en focalisant l'intention ou l'attention suffisamment longtemps, vous créez une ligne de temps. Là, vous êtes dans des affaires que. C'est quoi la ligne de temps? Parce que la ligne de temps de votre observation, c'est pas la ligne de temps Il y a le temps du temps, puis il y a le temps de la perception. C'est pas pareil. En focalisant l'attention suffisamment longtemps, vous créez une ligne de temps. Vous voyez, là, suffisamment longtemps, vous créez une ligne de temps. Ben oui. Hein? J'ai vu des experts parler de l'or. 3220 US. Wow. C'est pas impossible. Hein? C'est pas impossible. Ben, j'ai ma nièce qui vient pour le jour de l'an. Je pense que je vais lui donner une pièce en argent. C'est sûr que c'est pas moi qui fais les cadeaux les plus festifs puis les plus amusants. Ben, peut-être qu'un jour, elle va finir. Ben, j'espère qu'elle les garde là, avec les années qu'elle les garde. Ben, peut-être qu'à un moment donné, elle va se rendre compte que c'est pas fou. C'est pas fou. Si je suis comme ça, c'est pas parce que je suis fou. Voilà. Mais, ben c'est ça. Bon, c'est le dernier direct de l'année. Bonjour Philippe. Ben oui, des bonnes chances. Prenez, il y a beaucoup de métaux qu'on ne parle pas. Le niobium, l'iridium. Je pense sûr que les gens se rendent compte à quel point ces choses-là sont importantes pour notre futur. Dans le sens que, ben, prenez l'osmium. L'osmium. Vous savez, si vous, un jour, possiblement, qu'on va avoir, une technologie pas mal plus surprenante que ce qu'on a là. Puis ça, ça fait peur à beaucoup de monde. Puis ça va passer aussi par la connaissance de propriétés, entre autres liées à l'électromagnétique, les propriétés, entre autres, des métaux. Les champs. Les champs. Qu'on peut construire des champs. On est déjà dedans. Des champs qui sont des espaces empiriques, dans le sens des champs qui sont des espaces topologiques, mais hyperboliques. Pour l'information. On est déjà dedans. La 5G, toutes ces affaires-là. Prenez l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, à un moment donné, il va falloir se rendre compte que c'est pas de l'intelligence. Mais ça ne veut pas dire que ça ne servira pas. Ça ne veut pas dire que ça ne servira pas et que ce ne sera pas extrêmement important au sens où ça va s'imposer dans nos vies. Là. Hein? Il faut libérer le Canada. De quoi? Moi, j'en ai rien à faire du Canada. Je m'en fous. Si le Canada n'est pas libre, c'est son problème. Hein? C'est drôle. Pourquoi je ne me sens pas concerné? Il faut libérer le Canada. Ben, libérez-le. Tu sais, c'est comme si on disait faut libérer la prison. On peut libérer prisonnier, mais libérer la prison. Même là, hein, la technologie, c'est ni bon ni mal, c'est les humains derrière le souci, voilà. Moi, je suis pas mal d'accord, mais j'aime pas la technologie par nature, au sens où c'est lié à mon caractère. J'aime pas. C'est lié à ma personnalité, j'aime pas la technologie. À moins que ce soit des engrenages, là, des choses comme ça, ça, j'aime plus ça. J'aime bien la mécanique, mais la petite mécanique, là, avec des engrenages. Mais la technologie, hey, bonjour Franck Radio. Mais on n'est même pas, la technologie qu'on a est même pas, c'est incroyable, celle à laquelle on nous donne accès est arriérée. Les gens ne s'en rendent pas compte. Quand ils achètent une nouvelle bébelle, puis ça vient de sortir, puis tous sont extrêmement impressionnés, même ça ne m'impressionne pas, il n'y a rien là. Il existe des technologies immatérielles que la matière est juste un support. Ça m'impressionne. Puis ça fait longtemps que ça existe, puis qu'il y en a qui jouent avec ça. Ça, c'est intéressant. Avant qu'il y ait Internet, il y avait d'autres choses. Quand Quand une femme se réveille en sursaut, tandis que son mari, qui était un soldat pendant la Première Guerre mondiale, vient de recevoir un éclat d'obus dans une cuisse, puis elle se réveille en sursaut dans son lit à des milliers de kilomètres de là, en sachant exactement ce qui se passe. Internet n'existe pas encore. Pourtant, c'est de la technologie. Et il est là, l'État. À quoi il sert? À quoi il sert? C'est quoi la différence entre l'État et le prana? Dans le sens que l'éther, il supporte. C'est un ce qu'on pourrait dire quasiment, c'est comme de l'eau qu'on peut surfer dessus. Tandis que le prana, c'est l'eau. Je veux dire, l'éther, elle contient. C'est une étendue qui contient. Puis bon. Hein? Bonjour, Elisa. Il faut dire que. Ça rend les humains incapables de plus rien imaginer de créatif. Je ne sais pas. Pas sûr. Dans le sens que, peut-être moins. Peut-être moins. Mais même là, pourquoi l'être humain, il est créatif puis imaginatif? Est-ce que c'est réel, son imagination? Est-ce que c'est vrai que l'être humain est créatif puis imaginatif? Des enfants en 1955 qui pleurent, ils n'ont pas la télévision, puis ils n'ont pas de disque, puis là, ils découpent des personnages dans des magazines, puis ils font des jeux avec. Est-ce que c'est de la créativité? Les supramentaux sont les nouveaux mystiques. C'est pas un mysticisme, c'est ça l'affaire. C'est pas un mysticisme. Je dirais même que c'est le contraire, au fond. Mais bon, il y a un fossé entre les gens qui pensent en termes communautaires alors que le seul salut dans les plans pressants est strictement individuel. Ça dépend le salut de quoi? Ça dépend le salut de quoi? Il y a des, ça dépend de quoi on parle. Parce que il y a des choses qui vont passer par le collectif. Veux pas à un moment donné. Il m'arrive souvent de savoir des choses avant qu'elles m'arrivent, mais c'est fait inconsciemment. Est-ce que c'est de la technologie? Oui. Ben oui. Moi, je vois ça comme de la technologie. Pour moi, le summum de la technologie, c'est le biologique, le vivant. Il n'y a pas plus avancé dans l'univers. À date, je parle au niveau d'aller jusque si profondément dans la densité. Habiter la matière. C'est très, très poussé, là. Hein? On habite notre corps un peu comme un scaphandrier. En tout cas, j'ai vu une vidéo de Pierre Blanchette. Il assimile l'illumineuse, tous les écoles du monde. Je ne connais pas tous les gourous, ainsi que BDM à la gnose. C'est peut-être en lien avec le nouvel âge. BDM, dans certaines vidéos, on perçoit ça un peu. Ben, il sort de son contexte, les vidéos. Il sort de son contexte. Puis je soupçonne qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. De toute façon, je veux dire, pour quelqu'un qui ne comprend pas un langage ou un personnage, il va... on va le dire, là, c'est une forme de manichéisme inconscient. C'est-à-dire que ils sont polarisés dans leur mental. Donc, BDM, il est dur à saisir. Hein? Puis, il est bien subtil dans le sens que il est bien, bien gris, Bernard. Il n'est noir ni blanc. Mais pour quelqu'un qui pense qu'il est manichéen, sans s'en rendre compte, je ne parle pas au sens d'une doctrine, je parle au sens de la polarité psychologique. Pour se rassurer, on va le classer immédiatement dans le noir. Hein? On va le mettre noir, puis on ne regarde pas les subtilités. Non, c'est clairement pas tout pas bon. On jette tout. Ça, c'est son problème. C'est son problème. Puis là, il continue à... Tu sais, je veux dire, c'est parce que c'est laid. C'est laid. Dans le sens que... les autres youtubeurs, puis tout, OK, c'est de bonne guerre. Mais Bernard, il est décédé. C'est la mémoire d'un homme qui a encore de la famille. Puis Bernard, c'est pas un gnostique. Puis pour en avoir connu des gnostiques, je peux dire c'est pas un gnostique, Bernard de Montréal. Donc, mais pour eux autres, la gnose, c'est la doctrine de Lucifer. La gnose peut être liée à des erreurs sans être luciférien. Parce qu'une doctrine luciférienne va associée, tu sais, en tant que, bon, en tant que doctrine luciférienne. Mais c'est parce que les autres sont encore pognés dans les vieilles patentes. Ils s'astinent encore sur la conversion des albigeois. On s'en fout. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? C'est son problème à lui. C'est son problème à lui. Dans le sens que, imaginez l'énergie que ça prend, puis qui est mise, puis que dans le fond, c'est prêché à des convertis. C'est-à-dire que les gens qui vont être d'accord avec lui sont déjà convaincus de ça. Puis les gens qui ne sont pas d'accord avec eux autres, ils n'écouteront pas ça, puis ils ne changeront pas d'idée. Donc, c'est quoi au niveau de l'agenda des forces dans l'invisible? C'est de faire perdre de l'énergie. C'est de faire perdre de l'énergie, d'engendrer de la chicanerie entre des groupes humains. Puis ça a tout le temps été de même. Fait que... Bon. Mais s'il ne se rend pas compte de tout ça, c'est son affaire. On empoisonne les gens et on s'étonne qu'ils meurent. Ben, moi, je m'étonne pas, là. J'empoisonne pas personne, je regarde faire. Malgré tout ce qu'il a amené. Ouais, mais il faut que ça soit accessible. Dans le sens, pour Pierre Blanchette, ce que Bernard dit, c'est pas accessible. C'est voulu de même. Il faut que ça reste comme ça. C'est correct. Bernard, on n'a pas à le défendre. C'est pas nous autres à faire ça. Hein? Ben, sinon, on se fait avoir, là. Les deux vont ensemble, mais le collectif est toujours dépendant de la conscience de l'individuel. Bon, d'une certaine façon. Oui, BDN dénonce justement tous ces gourous, je le sais. Mais moi-même, j'ai dit il y a des années, j'étais en entrevue avec David Lévesque, puis je l'ai dit il y a des années, j'ai dit des fois, il y a des aspects lucifériens qui se glissent chez Bernard. Il en était peut-être pas conscient, mais il n'était pas parfait, Bernard. Peut-être qu'il ne s'en rendait pas compte, mais j'en avais parlé. Est-ce que ça fait que je veux rien savoir de BDM et tout? Non. Parce que c'est une question de discernement. Une question de discernement. Pierre Blanchette, lui, c'est tout noir ou tout blanc. Puis il y a des bonnes intentions, c'est-à-dire ce qui pave les enfers. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est-à-dire qu'il ne vous pense pas capable. Il n'a pas l'air. Il est dit au niveau des doctrines que. Le libre arbitre a été donné à l'homme, mais il ne respecte pas ça, c'est-à-dire qu'il va avoir du libre arbitre à votre place. Il va vous dire à votre place si vous êtes luciférien. Il ne respecte pas votre libre arbitre, il ne respecte pas l'homme. Puis ça, ça vient des doctrines, les docteurs. Puis il va faire de Bernard un luciférien, c'est-à-dire un faux docteur. Mais Bernard de Montréal, ce n'est pas un docteur, c'est-à-dire ce n'est pas un faiseur de doctrine. Ceux qui se sont donné des faux docteurs, c'est les catholiques. C'est les catholiques. Des faux docteurs en veux-tu, en voilà. Des faiseurs de doctrine. Saint Thomas d'Aquin, qui aurait pu récupérer le trois quarts de sa doctrine sur les péchés capitaux, les vertus. Ça vient des philosophes antiques. Mais comme c'est un catholique, c'est un docteur de l'Église. Tous les docteurs sont des faux docteurs. Parce que ce qui est de l'ordre de la révélation, ce n'est pas une doctrine. Une révélation, ce n'est pas une doctrine. La doctrine, elle vient après. Elle vient après, pourquoi? Parce que l'être humain est psychologique. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de percer la forme d'une révélation puis de l'appliquer d'une façon fractale à tout. Il faut qu'il psychologise. Donc, c'est là que ça va prendre des théologiens. Ça va prendre des docteurs de l'Église. Ça va prendre ci, ça va prendre ça. Mais c'est pas moi qui me donne un faux docteur. J'ai dans le sens que Bernard de Montréal, c'est pas un docteur. C'est pas un faiseur de doctrine, dans ce sens-là. Puis moi, Bernard de Montréal, je le crois pas. C'est-à-dire que je vais en tenir compte au niveau de ce qu'il parle, que ça touche à mon vécu, puis que j'ai pu vérifier aussi. Puis des choses comme ça que je savais. Mais Bernard de Montréal, moi, je l'ai jamais aimé. Quand la mère de mon père a décidé qu'elle mettait de l'argent dans son gugus en Haïti, moi, j'étais contre l'idée. Puis quand elle me montrait les photos de la petite bâtisse qu'elle avait faite, avec les petites lucarnes sur le toit là-bas, puis tout, j'étais bien sceptique. J'étais bien sceptique, je ne croyais pas à ça. Les côtés gourous qu'il peut y avoir, Bernard, c'est les côtés qu'au niveau de mon discernement, moi, ça, je le rejette. C'est pareil quand il parle, j'en prends mais j'en laisse. Même Pierre Blanchette, il considère les gens comme des tatas, c'est des imbéciles. Ils n'ont pas de discernement, ils ne seront pas capables de faire la part des choses, donc c'est vaut mieux tout jeter aux poubelles d'un coup. Tout noir ou tout blanc. Pourquoi? Ben, parce que du manichéisme, dans le fond, mais inconscient. Inconscient, c'est-à-dire que c'est la polarité dans le mental, mais c'est des phénomènes qu'ils n'étudient pas eux autres. Ça ne les intéresse pas. Pourtant, on n'est pas dans de la doctrine spirituelle, là. On est dans du concret, de l'étude du comportemental, puis de la façon dont le paradigme psychologique fonctionne. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est pas une de mes affaires, moi, ça. Dans le sens que je laisse ça de même, je m'en fous. Autant qu'il ne me vole pas des images qui m'appartiennent, Pierre Blanchet, je m'en fous. Il peut faire ce qu'il veut, là. Dans le sens, c'est à la succession de Bernard s'il veut le faire respecter les droits de le faire. Puis il y a un masse de monde dans le supramental qui vont se faire pogner, qui vont se faire. Ils vont mordre à la maison. Puis ils vont entrer dans le piège. Ça veut dire Pierre Blanchet, il va en avoir des détracteurs. Il va se faire rentrer dedans par des fanatiques de Bernard, parce que ça existe. Ça existe. Ça peut même aller loin. Il y en a qui sont dangereux. Il y en a qui sont agressifs. Autant que dans les catholiques là, fondamentalistes fous. Parce que oui, c'est de la folie. Mais de la des fous, il y en a autant d'un bord que de l'autre. Ça va être beau tantôt. Les deux vont moins. Soyons donc nous-mêmes et respectons-nous. Ça va éviter de nous désourcer. C'est ça. Ah ben, pas de quoi. Pierre Blanchet ne peut pour le moment appréhender BDM, ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourra jamais à condition d'être honnête. L'affaire, c'est que Pierre Blanchet, c'est un missionné du haut astral. Je suis persuadé qu'à 100% que jamais Pierre Blanchet va trouver qu'il y a des affaires qui ont de la louche chez Bernard de Montréal, c'est impossible. Parce que il y a sa programmation à lui, puis il y a sa job à faire. Donc, bon, je veux dire, il faut être réaliste aussi. Il faut être réaliste. Hein? Malgré que j'en ai déjà vu, moi, un chrétien, mais catholique, là, un peu comme Pierre Blanchet. Puis le gars, il est tombé dans des affaires que j'en venais pas. J'avais de la misère à y croire. Pour dernière nouvelle, il était instructeur de yoga en Indonésie ou chez moi, trop. Lui, il a viré bout pour bout. Mais il n'est pas passé du haut astral pour aller dans le supramental. Il est passé du haut astral pour aller dans le bas astral. Il s'est spiritualisé de plus en plus, il s'est alourdi. Pierre Blanchot, je ne suis pas sûr qu'il va suivre ce chemin-là. S'il suit, il n'ira pas plus haut que le haut astral. S'il suit un chemin, ça va aller vers le plus bas. C'est-à-dire, il risque d'être encore plus... Pierre Blanchet, il pense que ça avait de l'allure de brûler du monde vivant dans le temps de l'Inquisition. Imaginez, s'il y en a qui nous écoutent, là, je ne sais pas, moi, il y a toutes sortes de monde qui nous écoute, entre autres, il y a du monde qui sont non-pratiquants, il doit même des athées, il y a peut-être du monde qui sont LGBT, tout ça. Imaginez s'ils pouvaient ce qu'ils vous feraient. Ils trouvent que ça avait de l'allure de torturer du monde, leur faire avouer n'importe quoi pour les brûler vivants. Là, quelqu'un qui pense ça, je m'en fous, là. Je veux dire, rendu là. Il n'y aura pas de discernement plus pour d'autres choses. C'est ça du fanatisme. Puis pas le fanatisme au sens où Voltaire l'a dénoncé. Dans le sens que Voltaire, bon, hein, on s'en fout un peu. Mais il reste que ça existe le fanatisme. Il y en a des fanatiques. Prenez Gustave Le Bon, son livre « La psychologie des révolutions ». La psychologie des révolutions. Gustave Le Bon s'était rendu compte qu'au niveau des idéologies politiques puis des mouvements de foule, c'est exactement les mêmes forces que par rapport au fanatisme religieux pour guerre de religion. Après, Pierre Blanchet a dit, quand on regarde les révolutionnaires, puis là, comment ils ont agi, puis tout, c'est des fanatiques, la religion de Lucifer, puis il n'a pas l'air de se rendre compte que que ça soit quelqu'un qui perd la tête, qui perd l'identité pour une équipe de foot ou pour une idéologie ou pour une religion, une doctrine quelconque, ça revient tout au même, puis c'est les mêmes forces quelque part. Pis ça marche de la même façon, c'est la même mécanique. Donc, bon. Prenez, moi, au niveau de la polarité dans le mental, moi, je peux pas. Prenez un conflit en Israël. Je suis ni sur le bord de l'État hébreu, ni sur le bord du Hamas, là. Moi, je suis sur le bord de tout le monde, dans le sens que, au niveau du respect de la vie puis du vivant, là. Mais les gens qui sont dans des idéologies religieuses, ils vont prendre soit un bord, soit l'autre. Regardez les protestants, comment ils ont tendance à encenser Israël, puis à mettre Israël comme quelque chose d'extraordinaire. Notamment André Pitre. André Pitre, qui parle le pasteur Norbal, moi je vous mets dans. C'est une sorte de chrétien protestant évangélique dans le fond. C'est sûr qu'il va être pro-Israël. Même si on nous a menti des faux bébés calcinés par intelligence artificielle puis des affaires de main. Tandis que les bébés morts à Gaza sont morts pour vrai. Là. Ça les intéresse pas. Tant qu'à moi, c'est des barbares des deux bords. Peut pas prendre une position là. Hein? En tout cas, bonjour. Pour le prana, il est selon son action. Il se spécialise l'éther et le plan, la forme et la mémoire. C'est pas juste ça l'éther. C'est ce qui rend possible la forme et la mémoire. L'éther. Prenez le prana. Le prana, ça va tout le temps être en quelque sorte, entre autres, ce que c'est véhiculé. Ça va d'avoir quelque chose de. C'est un peu comme, on pourrait le comparer à tout ce qui est nourricier. Ça va être l'île du nourricier au sens de quelque chose qui circule. Hein? Le prana est un peu l'énergie de la terre. C'est lié au tattva. Moi, là, le paradigme hindouiste de ces choses-là, je non. Parce que au niveau de ce que. Qui était étudié par rapport, par exemple, vers la fin du 19e siècle. Il y en a beaucoup qui sont intéressés à ce qu'il y appelait dans le temps des fluides. C'est pas des fluides au sens de liquide comme on l'entend maintenant, là. Mais eux autres, au niveau de leur expérience empirique, puis qu'il y en a eu pas mal, même j'ai eu le compte-rendu d'un médecin qui date de ses débuts 1900. Lui, il a fait des expériences, en tout cas. Mais tu sais, souvent, ce qui est dommage avec ces savants-là, c'est qu'ils meurent une fois qu'ils ont fini leur travail. Ils disparaissent, il y a un accident. Ou... Mais on s'est rendu compte, au niveau des Occidentaux, qu'il y a certaines choses qu'on retrouve chez les Hindous qui font erreur, possiblement. Donc, c'est de la spiritualité. C'est une vision spirituelle de ça. Mais au niveau du réel, ce qu'il y a en arrière des formes au niveau des doctrines, qu'est-ce qu'il y a réellement? Qu'est-ce qu'il y a réellement? Parce que regardez l'Inde. En tout cas, toutes ces connaissances-là qu'ils ont, puis tout, puis ça finit à l'ultime sagesse de vivre à moitié tout nu, à côté du Gange avec des cadavres qui flottent, puis de la marde d'un cheveu. OK. Bonjour, Samab. Son esprit est trop cristallisé, je pense. Il a l'air d'être haineux un peu. Ça me fait un peu ce trait de caractère. Oh, oui, on sent une certaine agressivité. On sent qu'elle est là, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Ça ne va pas être drôle à l'école. Maudit. Parce que là, même des fois, il chauffe les oreilles. Même ma mère, elle s'est faite pogner par des affaires de méditation. Pis tout. J'ai envie de dire, ta pauvre mère a tellement dû souvent avoir des problèmes puis des appels de l'école. Laisse-la donc tranquille. Tu honoreras ton père et ta mère, c'est aussi se garder une petite gêne. C'est rendu que. Hey, le wow, là. Bon, en tout cas, ça, heureusement que c'est juste. C'est juste une connaissance de même, je le connais pas dans le fond, pis tout, parce que c'était quelqu'un de ma famille, je m'entendrais, je voudrais rien savoir. Quelqu'un qui agit de même. Hein? Ça dépend, là. Pierre de l'Ancre et la chasse aux sorcières dans le sud-ouest de la France. Ah! On en a eu au Québec. En tout cas. Il y en a une, là, comment elle s'appelait donc? Les Anglais l'ont gardée dans une cage en fer forgé. Ils l'ont laissée pourrir dehors dans la citadelle de Québec. Elle était accusée de toutes sortes d'affaires. Elle n'avait rien fait. Là. Comment elle s'appelait donc? Elle? P.T. Barnum, il a même racheté la cage pour l'exposer. En tout cas, j'ai dans le jeu. Bonjour Bertel, bonjour à vous. Beaucoup de manipulations, qu'ils soient humains ou sur les plans. Ouais, mais s'il y a un humain qui manipule, c'est parce qu'il est humain, il y a de quoi à travers qui. On peut voir ça comme des forces. Hein? Au fond, même l'esprit peut être polarisé. En bien ou en mal, ça dépend. Si vous parlez l'esprit au sens, comme les Anglais veulent le dire, c'est le mind, si vous voulez. Puis tout ça, puis l'esprit. L'esprit en tant que principe, là, c'est plus pareil. La corrivo, c'est-tu bien ça? Je pense que oui. Je pense bien que oui, il l'avait accusé d'avoir avoir tué son mari. Mais je ne sais pas si je la confonds pas avec un autre. Non, l'autre qui ont pendu, c'est le bourreau Radcliffe qui l'a pendu. C'était une Vio, Madame Vio, puis elle a Corriveau avant. On a les belles histoires. Les belles histoires. Bonjour, Malo. Oui, la Corriveau. Ouais. Bon, ben, c'est un peu une sorcière, ça, dans le fond. On est un peu dans des affaires de chasse aux sorcières. Moi, je le vois de même. Ben, franchement, là, d'une certaine façon, sauf là, c'est une chasse aux sorcières, genre Justice Warrior, un peu. Dans le sens que, ben, c'est les mêmes forces, hein. C'est les mêmes forces. Y a-tu quoi de plus stupide qu'une foule? Y a du monde qui court. En tout cas. De Saint-Vallier de Bellechasse. Marie-Josette Corriveau de Saint-Vallier de Bellechasse. Moi, hein? Je pense que c'est ça. Parce que l'autre, elle s'appelait Vio. L'autre, celle-là, c'est le bourreau Radcliffe qui l'a pendu. Comment qu'elle s'appelait? Cordelia Vio. Cordelia Vio, elle a tout été considérée par certaines personnes comme une sorcière. Au fond, c'était des femmes qui avaient tout simplement, ben, y allait, c'était des femmes, si on pourrait dire, aujourd'hui, de nos jours, entre guillemets, plus libres. Il est là le problème. Dans le fond. Là, ils ont-tu vraiment, tu sais, je veux dire, on va pas refaire le procès de savoir as-tu tué son mari ou pas. Là. C'est pas ça la question. Moi, je parle d'un phénomène social. Il existe encore. Il est encore là. Puis quand vous regardez des conneries, d'un moment donné, c'est parce qu'on dirait que ça revire de bord. Parce que comme on est polarisé, on n'est pas capable d'arrêter de faire quelque chose. On fait quelque chose, après, ça se transfère, là, le mouvement contraire, puis tout. Parce que MeToo, c'est un peu ça à l'envers. C'est un peu ça à l'envers, MeToo. C'est des Madame Vio et Corriveau qui accusent de... Hein? Qui a, dans notre société, au niveau de la justice, on s'est donné un principe clair, c'est celui de présomption d'innocence. Donc, MeToo, c'est les gens qui dénoncent qu'ils sont criminels, là. Parce que ça ne marche pas de même. En tout cas, je sais, qu'est-ce que je vous dis? Parce qu'à un moment donné, ça devient, c'est... Si vous portez plainte au niveau de la justice, bon, c'est pas pareil. Mais là, si vous faites ça, c'est en public, puis tout, ben là, moi, c'est ce que j'appelle dans mes 10 ans. Ça. Même si c'est vrai. C'est pas vrai, c'est de la calomnie, c'est vrai, c'est de la médisance. On a des instances pour ça. Au 17e siècle, à Saint-Jean de Luz, une femme avait éternué un hostie et elle s'est retrouvée brûlée sur la place publique. Oui, c'est vrai, ça. Elle a éternué pendant la communion. Ouais, oui. Ben oui, c'est des pierres blanchettes qui virent fou. Comment vous voulez voir ça autrement? C'est ridicule, là. C'est vraiment ridicule, c'est ridicule. Hey. Ça, c'est vraiment pas avoir de discernement, dans le sens de, il est où le mal, là? Il est chez les gens qui ont brûlé cette femme-là. Voyons. faut être aveugle. Faut être aveugle. En Espagne, jusqu'à la fin du 19e, jusqu'au 19e siècle, ils ont brûlé du monde. Dont des fois des enfants, deux petites filles à un moment donné qui ont été brûlées. Des fois, des prétextes qu'il y avait pour avoir fait telle chose un dimanche, pour avoir. Puis dès qu'il commençait un procès ou qu'il y avait soumission à la question, c'est-à-dire là, qu'il commençait les procédures, puis, ils vont tout le temps gratter puis trouver d'autres choses. Gratter puis trouver d'autres choses. Si vous regardez d'une certaine façon, c'est un peu comme ça que fonctionnent les polices politiques dans des dictatures. C'est des bénédictins, hein? C'était l'Inquisition, au sens, c'était des bénédictins. Et les dominicains. Les dominicains. Prenez les dominicains les plus. Prenez Savonarole. Savonarole, c'est le pape lui-même qui s'est tanné à un moment donné. Il faisait brûler des tableaux. C'est lui qui a fini de même. Je l'ai pas Savonarole, mais bon, quand on sait c'est quoi le haut astral, ben j'aime mieux Giordano que Bruno. Ben franchement. En tout cas. Regardez les fanatiques des picos et de la. Et voilà. Ben oui, mais c'est les mêmes forces que c'est une religion. Vous voyez là? Le monde, ils ont agi comme des fanatiques religieux avec ça. C'était une question de salut. C'était pour sauver son prochain, puis de charité, puis de non-égoïsme. Pourquoi ça a tellement bien marché au Québec? Parce que c'est dans notre sang. C'est dans notre sang d'obéir aveuglément à des doctrines niaiseuses. Niaiseuses. Il y en a combien de monde au Québec, là, qui ont pogné la tuberculose parce qu'ils embrassaient des reliques là, dans des églises. Là. Ils se mettaient en arrière de l'autre pour bécoter des reliques. C'est tellement pas intelligent. Tellement pas intelligent. C'est quoi votre problème de vouloir manger des morceaux de cadavres, aller chez le boucher? Des dépasseurs de cadavres. Toute une patente. Un chien, où est-ce qu'il y a un doigt de Saint-Ursus au Québec? Il y a bien des reliques, je le sais, sont où? Ça, c'est de la connaissance générale, parce que c'est pas moi qui vais aller... Bon. Hein? Bernard de Montréal, il haïr l'invisible. Et c'est vous l'invisible. Je vais haïr des forces qui sont dans l'invisible, je vais pas haïr l'invisible. Je vais pas haïr l'invisible. C'est quoi de l'invisible? Avant qu'il y ait un Suédois qui fabrique le premier microscope, les bactéries, c'était de l'invisible. C'est l'invisible. Il va falloir un jour se rendre compte que de l'invisible, c'est ce qui endort notre conscience. C'est ça, de l'invisible. Donc, Bernard, il y a ça, l'inconscience. D'un autre côté, si on voulait... amener de la conscience à tout prix, puis bon, ben, il y a le trois quarts de la population qui sont les inconscients de force, et psychologiquement, ils ne t'offriront pas. C'est impossible. C'est comme si vous faites passer un courant électrique dans des circuits qui ne sont pas faits pour. Vous allez les brûler. Ou ils vont devenir fous pour se protéger. Donc, hey, bonjour, moi, là. L'ADN détestait ce qui rendait les gens ignorants ou naïfs, ou comme dit Bertrand, détestait l'inconscience. Ouais, moi, je le vois comme ça. C'est normal d'haïr l'inconscience jusqu'à un certain point, mais surtout les forces qui l'entretiennent. Des fois, il y a des affaires qui vont être entretenues pour nous protéger parce que c'est pas le temps, mais d'autres fois, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Hey, bonjour, monsieur alternatif. Donc, je veux dire, c'est pas fini. Pierre Blanchette, là, il va continuer à varger sur Bernard et à l'assimiler à des affaires qui n'ont pas rapport avec lui. Puis, ça donne rien de capoter avec ça ou de se sentir atteint par ça. Là, Bernard, il nous appartient pas. Ou plutôt, il est rendu dans le domaine public. Donc, d'une certaine façon, s'il nous appartient, il appartient autant Pierre Blanchet. Il peut s'essuyer les pieds dessus. Là. Ça fait longtemps que les os ils font plus mal, Bernard. Là. Ça donne. Là où on embarque dans un piège, on se fait avoir, c'est si on embarque là-dedans. Qu'on donne de la valeur à ça. Hein? Une question de Bertol concernant la vibration. Lorsque l'on est neutre en se positionnant sur son centre, est-ce que l'on émane de la vibration quand même? Ben oui. Ben oui. Imaginez là, comme des champs. Bon, il y a des champs. Ils peuvent être chargés. Les champs peuvent être chargés, maintenant. Mais vous pouvez avoir un champ. Vous pouvez avoir un champ neutre. Mais il va quand même être là. C'est comme un bruit blanc, là. Ce qu'on appelle un bruit blanc. Si vous pouvez attraper, si vous mettez ça sur un appareil comme une radio, un bruit blanc, vous pouvez le mettre tellement fort que ça va être assourdissant. Hein? C'est des pièges et M. Blanchet tombe dedans. Ben, il sert à nous mettre. Comment je pourrais dire ça? Il sert à mettre des pièges. Mais comme je vous dis, c'est un missionnaire, Pierre Blanchet. Il y a une mission. Laissez-lui faire son affaire. Je veux dire, dans le sens que ben, ça doit être lourd. Ça doit être lourd. Moi, je ne suis pas un bout en train, mais je suis sûr que j'ai plus de fun que lui. Pourtant, on n'est pas sur Terre pour avoir du fun. Mais s'il y en a un peu, tant mieux. C'est ça que je veux dire. Dans le sens, pas Jojo, là. Ça n'a pas l'air joyeux. Dans le sens que, ben là, au pire, là, on décroche un peu puis tout, mais comment je pourrais dire ça? Il va y avoir une tendance chez l'être humain à vouloir se trouver des paires de substitution, puis à vouloir, pour se rassurer, puis évacuer de l'angoisse, tuer aussi des paires de substitution, dans le sens que, pour se donner une impression de clarté dans sa vie, l'être humain va polariser des, en bien ou en mal, l'extérieur, puis tout. Fait que c'est normal que quelqu'un comme M. Blanchette, il va en plus démoniser des paires de substitution, c'est-à-dire comme Bernard, il reste que, bon, c'était des générations avant, puis c'est une autorité, c'est une figure d'autorité. Donc, il peut se décharger en tapant dessus. En même temps, qu'il va rester soumis à d'autres paires de substitution qui, sur eux, vont être associés au positif, puis tout. Donc, M. Pierre Blanchette, il a ses mentors. Tandis que moi, quand je me regarde, j'en ai pas de... J'ai pas de mentor, puis je n'ai pas de... C'est correct de même. C'est bien correct de même. Lire Dialogue avec l'invisible de BDN, c'est pas long. Dès les premières pages, qu'on ait l'invisible et force. Moi, je n'ai jamais eu... J'ai une relation avec l'esprit en moi. Je le considère comme mon meilleur ami, pas comme mon chef, comme mon ami. Et c'est une relation spiritualité avec mon double, selon vous. Ça dépend, il faudra aller plus loin dans l'affaire. Mais habituellement, l'esprit, c'est d'aimer bien gros l'esprit, puis comment vous dites ça, là? Votre meilleur ami. Que l'esprit, c'est votre meilleur ami. Si c'est vraiment votre ami, tôt ou tard, il va vous montrer que c'est. Ce ne sera pas toujours votre ami. Dans le sens, il y a même peut-être des choses qui vous arrivent. Que vous ne le savez pas que ça vient de l'esprit. Parce que si vous le saviez, vous seriez peut-être en colère contre. Ça dépend. Yo, Bertold. Bon, ben, bonjour à vous. Bon, ben, moi, je vais quitter. Mais, non, les affaires. Moi, personnellement, comme BDN ou d'autres, c'est pas des gourous. C'est pas non plus des figures auxquelles je tiens, là, comme. Donc, vous voyez, là, sinon, on va tout le temps être en colère pour on va chicaner avec du monde. Moi, Bernard, je m'en fous. Bernard de Montréal est moins important pour moi que pour Pierre Blanchet. Ça, c'est sûr. C'est sûr. J'aime bien M. Blanchet et les tenaces. Moi, tout, je l'aime bien. Il y en a bien qui se demandent pourquoi. Pourquoi? Puis comment ça se fait que même après des années que Parce que ça arrive des fois, j'en parle avec du monde, puis là, le monde, ils partent, puis sont encore là, puis je dis, ben moi, je l'aime, Pierre Blanchet. Voyons, comment ça? Ben, je suis pas stupide, c'est l'intention que je regarde. Je pense pas qu'il est mal intentionné. Pas du tout. Puis même des fois, il n'y a pas tort. Ça dépend sur quoi. Sur quoi. Puis par rapport à quoi. Puis bon, prenez des tiers puis tout ça. Ils vargent sur une ambulance, tant qu'à moi. Ils n'ont pas d'importance. C'est comme Bernard de Montréal, c'est tellement rendu quand même. C'est assez underground, là. C'est assez underground. En le dénonçant, il l'amène dans le public. Il va finir par être encore plus connu grâce à lui. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose, je ne sais pas. Peut-être que il y a des forces qui servent de Pierre Blanchette pour que Bernard soit... C'est aussi con que ça, là. Donc, imaginez, là. On fait souvent le contraire de ce qu'on pense faire. C'est ça vient de la polarité dans le mental. Puis lui, il est polarisé dans son mental. Puis lui, il va dire, oh, c'est du jargon nouvel âge. Non, non. C'est très, très technique. Puis, tu sais, je dirais... Toujours un intérêt pour la psychologie, puis c'est technique. Là. Pourquoi détester M. Blanchet? Je ne le connais pas, mais il a le droit de dire ce qu'il perçoit, et c'est à nous individuellement de savoir pour soi. C'est ça. C'est ça. Non, là où ça viendrait personnel, c'est si là, tout d'un coup, je me ramasse dans ces vidéos. Là, je vais me le permettre. Là, je vais me le permettre d'être choqué. Quand on voit au-delà de la forme, on peut aimer Blanchette, là, on haït les forces qu'il manipule. C'est ça. Et voilà. Il faut un travail, mais il semble être très dépressif. C'est à nos risques à un moment donné. Il semble être très dépressif, ben, Pierre Blanchette. Ben, moi, je trouve qu'il y a une vibration de... Je dis tout ce que je pense. Est-ce que vous sentez un extraordinaire... Est-ce que vous sentez un bienheureux? Ce qu'on appelle un bienheureux. Pas du tout. Pas du tout. C'est d'une lourdeur, c'est d'une pesanteur. C'est tout. Même... Puis ça soit son ordinateur, des fois, même là, le chat puis le chien, il y a de la lourdeur. En tout cas, oui, c'est ce que je pense aussi. Clairement, non. Nous protéger de quoi? De la vérité, du réel. Là, ça dépend, là, je n'ai peut-être perdu des bouts. Une fois qu'on commence vraiment à intégrer, ça évolue. Pas de retour en arrière. On voit ce qui est corrigé et on voit clairement la game. Ouais. L'affaire, c'est comme pour M. Blanchette, au niveau de son paradigme. Juste une phrase comme ça. Quand on commence vraiment à intégrer, ça évolue. Le droit là, lui, l'évolution des darwinistes, puis il comprend pas ça par rapport. Parce que au niveau d'intégrer, c'est en accord avec les écritures pareilles. Puis l'affaire d'évoluer. D'évoluer, ça veut dire quoi? Ben, entre autres, s'il y a eu une chute, puis il faut qu'il y ait un jour un retour à, d'une certaine façon, c'est parce qu'on a évolué. C'est un peu ça, la chute. Donc, c'est pas l'évolution au sens darwiniste, là. Mais il va tout accrocher à la forme. Pourquoi? Parce que les doctrines, c'est formel. C'est formel, les doctrines. C'est lourd et je pense qu'il se fait mal à lui-même. Je respecte le travail qu'il fait. C'est courageux. Mais combien de gens sont manipulés à leur insu? Moi, ben, courageux. Quand tu es persuadé de tenir la vérité, tu vas avoir le courage. C'est pour ça le fanatique est tout le temps courageux, là. C'est sûr. Il est persuadé que... Bon, c'est comme les albigeois, justement, qui allaient au bûcher en chantant. C'est parce qu'ils étaient persuadés d'avoir la vérité. Donc, ils avaient le courage. Est-ce que c'est réellement du courage? C'est quoi qu'on dit, donc, on reconnaît les cons parce qu'ils osent tout. Est-ce que c'est du courage? Non, non, c'est parce qu'ils sont cons. Dans le sens qu'il manque de discernement. Ou, en tout cas, ça dépend. Là. Seigneur, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dit que c'est l'autre, ça explique au gourou Blanchette compris. Ben, c'est pas un gourou, là, quand même. Le problème, c'est les retours. Moi. Puis, t'es bon. Ben, vous savez, si vous avez le nom complet de quelqu'un puis son adresse de naissance, si vous avez le nom complet de quelqu'un, ben, vous n'avez pas besoin nécessairement de son adresse. Vous avez sa date de naissance. Puis le nom de jeune fille de sa mère, ben, la justice, elle est publique au Canada. Donc, vous pouvez aller dans vous allez dans un palais de justice, un tribunal, il y a une salle avec des ordinateurs. Là, vous tapez le nom de la personne. Ils vont vous demander des renseignements. Puis tout. Puis là, tous les antécédents sortent. Tous les antécédents sortent. C'est curieux que ceux qui trouvent Dieu, souvent, c'est pas des anges. Hein? Et voilà. Un ancien détenu, mais bon, pas obligé d'étendre le sujet dans tous les sens non plus. Ben, ça sent. Ça sent. Je ne sais pas pourquoi il est incarcéré. Ben, probablement des erreurs de jeunesse. Probablement des erreurs de jeunesse. Mais à un moment donné, c'est parce que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Là. Puis veut, veut pas. C'est parce qu'il y en a du monde qui sont tellement plus méchants que moi. Des fois, ça m'inquiète un peu. Je regarde le monde visible. Je me rends compte que la très grande majorité des forces sont différentes à mon sort. Indifférentes, moi. Qui est quoi et vraiment aime à l'égard d'un individu. C'est parce que, c'est pas qu'au contraire, même vous pouvez avoir des forces que c'est parce qu'ils sont pas indifférentes à votre sort. C'est pour l'esprit, au niveau du principe de l'esprit, si le fait d'être en souffrance puis d'être malheureuse pendant 15 ans, ça peut vous aider à être un petit peu plus conscient après que vous avez passé à travers, l'esprit va s'en foutre de votre confort, il va s'en foutre de votre bonheur. Il va vous faire vivre la souffrance puis pendant des années, parce que lui, c'est que vous soyez plus conscient, plus sans, pour eux, ça n'a pas de notion d'être heureux, malheureux, pas de notion de bonheur, malheur. C'est inhumain. C'est inhumain. Merci, bon réveillon. Ben, merci à vous. J'aime pas trop ça, parler des autres. Ouais, c'est parce qu'à un moment donné, ça devient plate. Ben, ça devient plate, dans le fond. C'est parce que on se fait faire la morale par des cordonniers mal chaussés. C'est tannant. C'est tannant. Prenez, je sais pas dans quel coin qui est, lui, mais ce serait facile. Je veux dire, t'écris à l'archevêché ou t'écris à son évêché ou diocèse. Tu trouves celui-là qui est responsable d'eux parce qu'il se réclame comme catholique. Fait une belle lettre. Quand vous écrivez à un évêque, il faut l'appeler Excellence. Un cardinal éminence, mais un évêque, c'est Excellence. Là, vous dites, Monseigneur, gna gna gna, puis là, vous dites, je suis très inquiet, il y a un individu, blablabla, ça nuit à l'image de l'Église, selon moi, blablabla, puis là, vous mettez des liens. Parce que si la hiérarchie se met à prendre connaissance de ça, puis commence à le trouver gênant, à un moment donné, c'est des affaires de l'Église. C'est leurs ouailles. Moi, je ne suis pas confirmé, ce n'est pas de mes affaires. Mais il y en a qui ont une belle plume. Hein? Dans le fond, c'est les affaires de sa hiérarchie, d'une certaine façon. Il se réclame comme catholique. Puis il dit que le pape, c'est pas... C'est bêtement. Il va entrer en conflit à un moment donné avec des ecclésiastiques. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. D'ailleurs, son mentor, là, il se fait rentrer dedans. Là. Il va finir par se faire... Il va y avoir des guerres. Il va y avoir des guerres. Ce n'est pas intéressant tant que ça. Je veux dire, d'être dedans. Mais il reste qu'en l'observant, on a on intègre, même plus qu'on apprend. PB semble un homme très triste. Oui, je suis d'accord. Il laissa sa manière d'ouvrir les yeux aux gens sur le mal qui les entoure, c'est ce que je pense. Ouais, mais c'est parce que ce serait pas une compensation. Par hasard. J'ai pas l'impression qu'il y a du fun tant que ça. Là. Je prends des marches et souvent j'ai des intégrations intéressantes en marchant. La pensée est différente, plus claire. Ouais, ben ça m'est arrivé souvent. Je lisais quelque chose ou j'écoutais quelque chose, puis à un moment donné, il faut que je me lève et que j'aille marcher. C'est comme trop, là. Peut-on considérer la vibration quand elle est neutre comme étant de l'information? Au moins comme un support. Au moins comme un support pour, ou qui rend possible. En tout cas, j'ai déjà jasé avec M. Blanchette. Il est sympathique et beaucoup dans l'autodérision. Oui. Moi, je le sais. C'est pour ça qu'il va souvent se traiter d'épais. Il va dire qu'il n'est pas beau. Mais ça, moi, je vais être franc avec vous autres. En psychologie clinique, ça vient de, des gens qui ont été blessés beaucoup au niveau de leur ego dans leur passé. Puis, ils vont être portés à l'autodérision pour se protéger. Ça, c'est comme la petite grosse qui arrive de son embonpoint, puis c'est la petite grosse comique, puis tout. Au fond, là, vous avez affaire à quelqu'un d'extrêmement vulnérable qui a beaucoup souffert. Puis, elle va prendre de l'avance pour se protéger, c'est-à-dire elle va rire de son embonpoint avant que les autres le fassent. Parce que moi, ça fait moins de peine quand ça vient de soi. Mais c'est l'autodérision puis l'autodénigrement, c'est tout le temps lié à des mécanismes de protection, c'est tout le temps lié à, bon, ça je vous le dis par expérience, par observation. Puis Pierre Blanchette, il y a une intelligence au-dessus de la moyenne, puis il y a un physique tout à fait banal. Donc quand il se traite d'épée, puis qu'il se dit pas beau, moi, à mes yeux, là, ça fait partie de ses ténèbres à lui, si on peut dire. Parce que c'est pas vrai. Pourquoi se dénigrer? Bon, hein? Donc, chanceux Fergus, moi j'ai des intégrations la nuit. J'essaie de dormir, moi aussi. Moi. Oui, en marchant, je suis d'accord, ça évacue l'énergie un peu aussi. Du coup, ça peut déclencher certaines informations. Ouais. L'autre soir, pendant ma marche, j'ai la vibration d'un atterrissage par rapport à la croyance. Comment ça? Comment ça va loin, le fait d'être suggestible, intéressant ici par rapport à toute l'instruction. Ouais, mais l'affaire, c'est la suggestibilité. C'est lié, entre autres, c'est lié à de la programmation, dans le fond. Puis, bon, mais c'est comme, qui c'est que j'ai vu passer dernièrement? La suggestibilité à ce niveau-là, puis la suggestion mentale, c'est pas tout à fait le même phénomène. C'est comme si je récupérais des fragments du réel de l'identité qui m'habite par moment. Ah, c'est drôle, moi, c'est quand je perds des morceaux que... Des mécaniques de compensation, ensuite. Mais moi, M. Blanchette, je le sens pas... J'en ai connu des gens qui avaient une foi très forte, puis que je pourrais quasiment dire des bienheureux, dans le sens que peu importe ce qui arrivait, ils étaient. En tout cas, c'était vraiment admirable là, d'avoir une confiance comme ça, puis tout. Mais on sent pas ça chez M. Blanchette. C'est comme. Tu sais que lui, comme. Il va se mettre à voir comme un nouvel âge. Savez-vous avec qui la première fois que j'ai parlé sérieusement de numérologie? C'est avec une religieuse de la congrégation des Saints-Noms de Jésus de Marie. Puis je me suis rendu compte qu'on en avait les mêmes notions. Exactement. Elle était plus sympathique, elle était plus parlable, mettons. Moi, je n'ai jamais parlé, je veux même pas. En tout cas. La spiritualité parle d'un amour infini qui aime chaque personne en particulier. La découverte du milieu suprême amène à douter de cela. Je ne parviens pas à renoncer à cette idée sans désespérer. Eh bien, c'est parce que la spiritualité qui parle d'un amour infini, la seule différence avec le supra, c'est que vous d'observer ces phénomènes-là, plutôt que comment je pourrais dire ça? Ça va être plus là ce que vous voyez que ce que vous pensez, c'est tout, mais c'est les mêmes affaires. Moi, l'affaire, l'amour infini qui aime chaque personne. Ouais, mais l'amour infini, je veux dire, c'est impersonnel, ça. En tout cas, ça dépend. Quand je marche le soir, les lampadaires clignotent ou ferment, c'est bizarre. Ah oui, moi aussi, mais pas depuis qu'ils ont mis des LED. Les LED ne me font pas ça. C'est difficile à expliquer, c'est toujours descriptible. Récupérer des fragments qui étaient retenus par des formes psychologiques. L'influence de la croyance versus le savoir. Moi, je pense que je comprends. Que sais-tu sur l'apparition de codes chiffrés, par exemple? 3h33, ça me surprend que mon homme me demande ça. Je suis attaqué par ces chiffres depuis quelques mois. Attaqué? Comment ça peut être attaquant? On a toute une horloge interne. Sans savoir, on calcule sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que même les enfants qui ne savent pas compter, sans s'en rendre compte. Donc, si on porte beaucoup attention à des heures comme 1h11, 2h22, par après, au niveau, on va être porté à regarder quand c'est ces heures-là, parce que dans le fond, on sait c'est quand intérieurement, mais c'est inconsciemment. J'ai remarqué que les gens qui portent attention à ça, ils vont être portés à regarder quand c'est ça. Dans le fond, c'est si on donne d'importance à des formes, on se conditionne à avoir une rencontre avec ces formes-là. Je le vois de même. Pouvez-vous développer l'amour infini? Ben, premièrement, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est ce qui va lier des individus ou des choses séparées. On pourrait dire que la Lune est retenue dans l'amour de la Terre. Au niveau du champ qu'elle émet, puis qu'il y a un lien, une interrelation. Puis, de la même façon que les deux sont retenus par l'amour du soleil. Je le sais que ça a l'air impersonnel, puis tout, mais c'est quoi un amour infini qui englobe tout? Dans le fond, c'est un champ, ce qu'on appelle un champ, qui va lier toute chose. Mais à ce niveau-là, c'est plus l'amour au sens où nous autres, on l'entend. C'est d'autres choses, c'est-à-dire ce qui met en relation, ce qui fait que tout est lié, ce qui fait que... Donc, c'est pas nécessairement émotif. Mais en tout cas, là j'en peur, je m'excuse, là, je vais en perdre parce que ça a comme du harcèlement. Ah oui, bon, j'ai pas le temps. Il va falloir que j'arrête, là, il y a trop de monde. Moi aussi, mon nom, très souvent dans la spiritualité New Age, ce sont les heures miroirs. Moi, c'est plutôt des reprogrammations du plan astral. J'ai eu pendant un bout de temps, quand je regardais l'heure, j'avais ça, mais c'est parce que des gens m'en parlaient. Donc, je te portais attention. Par des chiffres, le harcèlement occulte. Ouais. Non, je quitte bientôt. Moi aussi, je dois partir. Mon accident, mon ancien coloc en faisait une obsession des chiffres. Alors, vous voyez, plus vous allez donner de l'importance à ces formes-là, plus vous allez être porté à les repérer. C'est aussi simple que ça. L'amour est limité à la définition psychologique de chacun. Je parle d'amour en tant que phénomène. Puis aussi en tant que réalité. C'est une force, l'amour. Ça existe, l'amour. Puis ça, c'est multidimensionnel. C'est-à-dire qu'il y en a de différents, sur différents paliers, de différents types. On ne peut pas nier l'amour. Regardez, là, l'amour est limité à la définition psychologique de chacun. Dans mon coin, il y a une chatte, à un moment donné, elle s'est brûlée, elle en est morte à sortir tous ses petits chats d'une grange. C'est de l'amour, ça. Puis elle n'a pas de notion psychologique, elle l'a. Ils vont dire, c'est l'instinct. Oui, c'est une manifestation instinctive de cette force-là. Mais c'est de l'amour pareil. Hein? C'est nous autres, parce qu'on est psychologique, notre amour, il est sale. Dans le sens que on va être obligé de dire, c'est-tu sincère, c'est-tu pas sincère? La chatte, là, elle a ça. C'est pas ça là, qui la met en vibration puis qui fait qu'elle saute. Ça n'a pas rapport à sincère, pas sincère, là, justement parce qu'elle ne réfléchit pas dans son mental, c'est pas psychologique. Le plus souvent dans mon cas, et apparemment, il faut que je me libère du portail 11 de l'astral. Vous savez. Un des chiffres, comme le Nazaréen, ces chiffres, c'est 7, entre autres, mais aussi 11. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert une porte. C'est qu'il disait donc, Ah, j'ai un 11e commandement pour vous, aimez-vous les uns les autres. C'est bizarre, je me suis réveillé à 11h11 et j'avais la vibration de venir sur ce live. Oh oui. C'est drôle, là, parce que ça m'est arrivé, moi, de repérer ces heures-là sur mon micro-ondes, par exemple. C'est là que je me rends compte que c'est au niveau d'un calcul interne inconscient. Parce que après, quand je vérifiais, c'est quelle heure il est réellement, selon les satellites, puis tout, parce que mon micro-ondes, il est porté à prendre de. Ben souvent, il y avait 2, 3 minutes de différence, mais mon attention était programmée sur le micro-ondes, sur l'heure du micro-ondes, qui n'est pas l'heure. Donc, je parlais des heures, miroir. Moi, je ne les vois pas, ces chiffres. Je porte aucune attention. Ben oui, plus tu penses aux heures miroirs, plus tu vas en faire la projection. C'est ça. J'ai un jour libéré un chat d'un piège à renard. Il m'a fait confiance à partir de ce jour. C'est certain. C'est certain. Le chat, quand il est dépendant de sa mère pour sa survie, bon, mais par après, il peut faire un transfert sur un humain. C'est-à-dire, votre chat va vous aimer sincèrement comme il aimait sa mère. C'est un peu ça qui se passe. Quand il. En tout cas, c'est pas pour rien que. En tout cas, pourquoi un enfant va dire ma mère, mon père? Un chat, il va se frotter sur vous pour mettre son odeur. L'amour est bien plus grand à la définition psychologique à laquelle nous la limitons, dit différemment. C'est parce que l'amour, c'est un principe. Donc, ça veut dire ça qu'il se manifeste dans une multitude de façons, puis de possibilités, puis de. Hein? Un principe, c'est universel, dans ce sens-là. C'est comme l'intelligence. Hein? Templier, origami, géomètre, ça. Cri. Ah. Je n'ai jamais eu l'intérêt pour les chiffres et j'ignore tout cela. C'est pourquoi je parle de harcèlement, mais je vais couper avec ça car je vibre que c'est de la mécanique hiérarchique astrale. Ben, c'est possible. Moi, est-ce que l'identité est en dehors du psychologique? Si oui, comment l'ego est dans son identité dans le processus de dépollution mémorielle? C'est intéressant, ça. Est-ce que l'identité est en dehors du psychologique? L'identité psychologique est dans le psychologique. Puis, si oui, comment l'ego est dans son identité dans le processus de dépollution mémorielle? L'affaire, c'est qu'il y a une identité qui est réelle, puis il y a une identité qui est psychologique. Votre identité réelle. L'identité réelle, c'est surtout celle qui va être là quand il n'y a pas de contrainte ou qu'il n'y a pas de. Prenez un enfant qui est jaloux ou qui est stressé ou qui est en colère, puis tout, il va s'enfermer dans son identité psychologique, puis il s'éloigne de sa vraie identité. Sa vraie identité, c'est celle que quand il est bien, puis qu'il se passe rien, finalement. Son identité va être plus réelle quand il s'ennuie que quand il se divertit. Donc, en dehors du psychologique, le processus de. Si bon, là, je ne vois plus parce que c'est en haut, son identité. Comment il fait pour être dans le processus de dépollution mémorielle? Si ça va vraiment bien, ben, c'est plus facile de voir en temps réel tout le pas réel de quand on ne va pas bien. Un peu de même, là. Merci, Berthold. J'ai vu la différence. Vincent Varie. Oh. As-tu encore le chat? Oui. Mon Hébert, une bonne occasion de faire preuve d'autorité. L'amour est une excuse à notre incapacité de gérer et voir le réel. Ben, il y a de l'amour qui existe en dehors de nous autres en tant que force. Ben, c'est parce que nous autres, on a une notion animalisée, psychologique de ça. Donc, avant de s'intéresser à l'amour, ça prend. L'intégration de l'intelligence et de la volonté. Ensuite, l'amour ou le respect viendra. Moi, mais il y a de l'amour réel que chez du monde qui n'ont pas intégré de. Comme. Ben, je veux dire, j'ai connu ça, du monde, des fois, qui était des arriérés mentaux, des déficients intellectuels. Puis il savait plus ce qu'est l'amour que la plupart du monde, dans le fond. Il était plus sincère, il était désintéressé parce qu'il n'était pas psychologique. Donc, Je sais pas. Mais je pense qu'il savait plus, pas au sens où nous autres, on entend psychologiquement, intellectuellement, il savait plus au sens du ressenti. Mais il n'aurait pas pu mettre les mots dessus. En tout cas, je me suis détaché de ça aussi, ces trucs d'un miroir. Je les vois toujours, mais bon, je m'amuse en me disant que c'est là pour me tester si j'ai vraiment tourné sur la croyance. Moi, ça fait au moins 2 ans que le monde me parle de ça. Avant, c'était l'effet Mandela. J'arrive un peu tard. Moi, je dois partir. Quelle différence entre l'identité et l'individuation? Finalement, notre identité, c'est l'intouchable et l'inébranlable de notre être. L'identité, moi, dans le sens que ça va être tout le temps un retour, une mise à terre. L'identité, dans le sens que c'est la panachrome de tout le. Quand ça va pas, c'est là qu'il faut aller. Donc, mais l'individuation va nécessairement venir avant. Parce que l'individuation, ça va être en partie psychologique. Au début, un peu comme un ado qui se révolte à un moment donné. C'est nécessaire. J'avais repéré ça aussi chez les trisomiques. Ils ont bien de la misère à réfléchir et à comprendre, mais ils voient. Ils voient. Je vous souhaite une très belle journée, Myrtle. Et tout le monde, je dois quitter. Bon, ben, bonne journée. Ouais, moi aussi, faut que je quitte. Donc, ben, bonsoir à tout le monde. Quelle heure, là? Ah, il est déjà midi. Bon, ben, bonsoir à tout le monde. Bonne journée à tout le monde. Puis, ben, c'est ça. Je ne sais pas quand je vais refaire. Là, c'est le temps des fêtes. Je veux dire, il reste encore le jour de l'an. Puis j'ai bien hâte que ce soit fini. J'ai bien hâte que ce soit fini. Donc, bon, ben, merci à tous. Puis, bonne journée. Au revoir.